Chapitre 5e. Orage au désespoir. Voilà une quinzaine de jours maintenant que Maïtena est morte. Bart est toujours inconsolable. Il ne sort pratiquement plus, sauf pour aller chez le médecin ou le dentiste. Il a définitivement éteint son ordinateur, comme s'il lui en voulait de l'avoir distrait le jour de la mort de sa femme. La télé l'énerve, Louisa aussi. Il s'est mis à lire, chose qui ne lui était jamais arrivée de sa vie. Je lui passe des polars dont ma bibliothèque regorge. Quand je lui demande ce qu'il pense de tel ou tel livre, invariablement il me répond « Oui, c'était bien ». Quant à Louisa, elle donne l'impression de s'enquiquiner comme un rat mort, et je ne comprends vraiment pas pourquoi elle ne cherche pas une autre place. L'enquête est toujours ouverte, mais elle piétine tristement aux grandes dames de Chavannes, toujours pantois devant la juge et le proc. Malheureusement, une autre affaire m'a détourné de celle-ci. Mon parrain, Séraphin Bernabeu, a été agressé dans son estafette alors qu'il se rendait à la pêche près de Fos-sur-Mer. On l'a retrouvé dans le coma, au bord de la route, l'estafette disparue. Le coup qu'il a reçu sur la tête lui a laissé des séquelles irréversibles tant sur le plan moteur qu'intellectuel. Lui, si gai et si bavard, n'arrive pas à aligner deux mots, ne se souvient de rien et ne mange qu'avec le concours des aides-soignantes. Nous nous relayons à son chevet avec Gilda, qui a pour lui l'affection d'une fille. Aucun témoin, bien évidemment, aucun indice. L'endroit de l'agression et du vol, une zone déserte et malfamée près de l'étang de Fosse, n'est fréquenté que par des gens peu fréquentables. Serge, mon ami, mon frérot, m'a promis qu'il ferait tout ce qu'il pourrait pour retrouver les salauds qui ont fait ça. Chaque fois que je vois mon parrain en si mauvaise posture, lui qui avait jusque-là une vieillesse heureuse, je me dis que si par bonheur je retrouve les agresseurs, ce sera pour leur malheur. La chance m'avait déjà favorisé lorsque je sillonnais les routes de la région à la recherche des assassins de ma femme Chantal et de mon fils Guido. Ça m'avait pris plus d'un mois, mais un beau jour, j'étais tombé sur la bonne bagnole, celle qui avait poussé Chantal dans le fossé. Vu le nombre de véhicules du département, c'était vraiment un coup de bol. Pourquoi le hasard ne me ferait-il pas l'aumône d'une nouvelle faveur? L'essentiel, c'est d'y croire. Je me suis donc mis à trimballer ma carcasse au volant de ma BMW série 5 noire, avec vitres teintées, vraie voiture de dealer, du côté de l'étang de Berre, de Martigues, de Fos-sur-Mer, de Salon et d'Arles, toute place où une certaine catégorie de mecs bizarres aiment vivre. Eux sont tranquilles et prospères, ce sont les blaireaux qui ne le sont pas. En cas de nécessité, carjacking ou autre agression, j'ai avec moi mon bon Glock 21, calibre 11-43. C'est une arme légère, avec sa carcasse en plastique, mais qui tire des perlouses grosses comme des dattes. Je le coltine depuis quelques années. Ne demandez pas d'où il vient. Personne ne connaît son existence excepté Serge. Je me méfie particulièrement des motards et, dès que dans le rétroviseur, j'en vois un qui me suit sur une route déserte, je mets la main sur mon flingue jusqu'à ce qu'il m'ait doublé et s'il y a une courbe après, je ralentis pour être prêt à toute éventualité. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai une tendance à la paranoïa. Mais, comme dit l'autre, si tu ne veux pas partir trop tôt, regarde dans ton rétro. Le soir, quand je rentre, j'ai le moral dans les talons. Cette zone n'est déjà pas joyeuse sous le soleil, alors l'hiver, sous la pluie, je vous raconte pas. Seul l'espoir de découvrir ce que je cherche me soutient. Du coup, j'ai complètement occulté l'affaire de Maïtena. Il a fallu que ce soit Chavannes qui m'appelle l'autre jour pour m'apprendre que la corde trouvée dans le garage portait bien des traces de sang. Il n'y a donc plus aucun doute sur l'arme du crime. Nous verrons bien comment la juge et la maréchaussée vont désormais manœuvrer. « Alors, Bello, t'as trouvé ?» me demande Gilda, comme si je revenais de l'école. « Non, rien, ça mettra le temps qu'il faudra, mais je finirai par les gauler, c'est sûr. Si ça se trouve, l'estafette de Séraphin roule depuis longtemps en Roumanie ou en Serbie, et toi, tu fais un plein d'essence tous les 3 jours. Tu n'y connais rien, Gigi. Ce sont des véhicules neufs qui disparaissent dans les pays de l'Est, pas des tas de boue. Mais il y a des tas d'estafettes comme celle de tonton, comment tu veux la reconnaître? Erreur. À l'arrière, elle a une roue de secours que j'ai moi-même fixée. Sur les côtés, on avait placé avec le tonton 2 vitres que nous avions récupérées sur une 2 chevaux camionnette. Et puis, au-dessus de la cabine, Séraphin avait bricolé une capucine pour faire la sieste quand le poisson ne mord pas. Qu'est-ce que c'est, une capucine? Tu sais, c'est quand la partie arrière du fourgon continue au-dessus de la cabine, comme une grosse casquette. Ah oui, je vois. Mais alors, pourquoi voler un véhicule si facile à identifier? Il faut être madure, non? Facile à identifier, certes, mais ça permet justement d'y loger des gens. Quand ils n'en auront plus besoin, ils y foutront le feu, et basta. Et tu crois qu'ils ne te voient pas les espionner avec ta bagnole qui ne passe pas inaperçue? Détrompe-toi, ma chérie. Ils ont les mêmes que la mienne, mais des modèles plus récents. Si j'avais une Twingo, là, je me ferais remarquer. Et puis, crotte, tu as toujours réponse à tout. Moi, j'ai peur qu'on te ramène à la maison transformée en passoire. Tu le comprends, ça? Me crie-t-elle. Je la prends dans mes bras et la dorlote un peu pour éviter le sanglot qui monte en elle. Ne t'inquiète pas, je suis prudent. Et puis, je ne suis quand même pas un débutant. Oui, ben justement, c'est toujours la fois de trop. Tu n'es qu'un égoïste. Ça, c'est faux. Je ne suis pas égoïste. Mais peut-être bien égocentrique après tout. Le pire, c'est qu'elle a raison, ma Gigi. Il faut toujours se méfier du coup de trop, celui où pour une fois on n'a pas eu de bol. Mais ce qui est valable pour moi l'est aussi pour les truands. Alors advienne que pourra. Après tout, je ne me sens déjà pas complètement sur la touche. J'ai encore envie du stress qui vous shoote comme une drogue, du jet d'adrénaline qui vous fait perdre 10 ans en une fraction de seconde, du sentiment de victoire sur la vie, le sort et les éléments. Là, pour le coup, je raisonne en égoïste, ou peut-être en égocentrique. C'est vrai, ce que dit Gigi, j'espionne. Dès que je trouve un campement ou une aire de stationnement occupée, j'essaie de planquer ma bagnole et, comme un chasseur de brousse avec ma paire de jumelles de marine, je scrute un à un les véhicules immobilisés, sachant bien que si l'estafette du tonton se trouve parmi eux, même si elle est repeinte en jaune canari ou en rose bonbon, je la reconnaîtrai. J'en suis arrivé à la conclusion que l'estafette du tonton ne devrait pas être bien loin de l'endroit où elle a été volée. Elle est facilement reconnaissable, et sa mécanique ne lui permet que d'aller de Martigues à Port-Saint-Louis et retour. Pour les longs déplacements, Séraphin s'était payé une Audi 6, rien que ça. Cette guimbarde n'est juste bonne qu'à charger quelque chose à l'intérieur, et c'est tout. Elle doit servir à planquer de la fourgue. Dans ces campements, j'observe également la façon dont vivent les gens. Les hommes sont peu présents ou bien ils dorment. Les femmes sont sans cesse en mouvement, pas forcément pour travailler, mais pour palavrer pendant des heures en gesticulant, avec de temps en temps un bon coup de gueule, histoire de mettre un peu d'ambiance. Les gamins sont toujours à la recherche de la dernière connerie à faire, d'autant plus volontiers qu'on les laisse faire, sauf quand la vie et la sauvegarde des biens sont menacées. La plupart du temps, ils sont dehors, et je me demande quand même comment ils font pour supporter non seulement la température, mais surtout le vent qui décuple la sensation de froid. Peut-être, pour certains d'entre eux, sont-ce leurs origines slaves qui expliquent cela. Certains campements dénotent un niveau de vie élevé. Bagnole dernier cri dépassant les 40 000 euros, caravane immense et rutilante, parabole de tout diamètre. Pour d'autres, en revanche, il n'y a que les voitures qui donnent l'illusion d'aisance, tout le reste est pourrave et branlant. Apparemment, j'ai cru comprendre que chez eux aussi, il existait un certain racisme social. On ne mélange pas le linge blanc avec les estrasses, les chiffons sales. Un après-midi dans la zone de fosse, j'observais un campement installé dans un terrain non bâti, mais qui présentait toutes les commodités. L'eau à la bord d'incendie fracassée et l'électricité dans une armoire dont la porte avait été explosée. Planqué derrière une remorque citerne esselée, je faisais des va-et-vient avec mes jumelles au travers des deux essieux. Soudain, j'accrochais dans mon champ visuel l'estafette du tonton. C'était elle, à n'en pas douter. La surprise fut telle que la décharge d'adrénaline me fit trémuler tout le corps. Ces bâtards ne s'étaient même pas donné la peine de la camoufler. Seule l'immatriculation avait été enlevée. Une femme assez jeune sortit de la porte latérale, les bras encombrés de paquets. Près de la camionnette, une palette de chantier posée sur deux vieux pneus devait servir de table. Autour, 4 gosses braillards tournaient comme des mouches. La femme déposa les paquets sur la table et ce fut la curée. J'identifiai des biscuits, des chips, un paquet de saucisses. Il était 3 heures. Était-ce le déjeuner ou le goûter, voire le dîner? Trônait aussi l'incontournable bouteille de coca, opium du peuple, symbole de l'Eldorado pour désormais la planète entière, et laquelle tous les minots tétaient goulûment. Les paquets vides furent jetés à terre, et la femme rentra ceux dans lesquels il en restait encore. La confiance régnant, elle ferma la porte à l'aide d'un cadenas et d'un geste, envoya les enfants se faire voir ailleurs. Arriva alors un homme, d'une mise à peu près normale. Il attrapa la femme par le haut du bras et la secoua sans ménagement. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait, mais aux gueules largement ouvertes, je sentais que ce n'étaient pas des mots doux. L'homme la menaçait d'un doigt vengeur et finalement la repoussa si fort qu'elle alla s'escagasser contre l'estafette. À la jumelle, je suivis le mâle et le vis s'embarquer dans une Renault Safran borgne. Quand je revins sur la femme, elle avait passé un châle et se dirigeait vers le chemin de terre qui conduisait à la route. Décidant de la suivre, je sortis de derrière la remorque, courbé en deux à la Aldo Macione, et rejoignis ma bagnole garée plus loin derrière une palissade. J'attendis un moment et passai à vitesse pépère devant le camp. Je ne tardai pas à retrouver la femme qui cheminait au bord de la route. Je m'arrêtai à 200 mètres et surveillai mon rétro. Elle fit halte à un carrefour et exhiba une pancarte sur laquelle j'étais certain que devait être inscrit à quelque chose près. « Pour manger, j'ai 4 enfants, pas travail. » Je descendis de la bagnole et cheminai de l'autre côté de la glissière de sécurité. Arrivé près d'elle, je m'assis par terre et l'appelai. « Ouh !» Elle tourna la tête et vit finalement ma tête au-dessus de la rambarde. Elle s'approcha prudemment. Je lui fis alors miroiter un billet de 10 €. À son tour, elle enjamba la glissière et s'assit à côté de moi. Je lui donnai le billet qu'elle fit disparaître sans poser de questions. Je pris quelques secondes pour la détailler. Finalement, elle devait tout juste avoir 30 ans et déjà 4 gosses. Le teint très mat, les cheveux noirs plantés très bas sur le front et les tempes, des yeux mordorés dont le regard ne reflétait aucune âme, des traits réguliers mais une bouche serrée par l'amertume et la peur. « T'y veux, Jesus ?» me dit-elle enfin. Je mis une seconde avant de comprendre, tellement j'étais surpris. « Non, non, non !» m'écriai-je en remuant les mains. Mon refus parut l'étonner dans un premier temps, mais je lus ensuite dans son regard comme une vexation. Je n'avais pas pensé attraper une maladie quelconque, c'était simplement que je ne m'attendais pas du tout à cette demande. Quelle misère tout de même, au bord de la route, comme ça. Mon but était de la questionner au sujet de l'estafette. « Le camion, la voiture, elle est à toi ?» Je vis ses yeux décrire des cercles autour des miens. Visiblement, elle cherchait une signification quelconque à mes paroles. « L'estafette !» Je fis le geste de conduire en volant. « Tu dors dedans ?» Je la désignai et mis ma joue sur mes mains jointes. « Avec tes enfants !» Et là, je montrai de la main une petite taille. « Ah, la stafette !»« Oui, » fit-elle en hochant la tête. « Elle est à toi ?» dis-je en lui mettant le doigt sur la poitrine. Elle bougea la tête de droite à gauche en signe de dénégation avec un regard triste. « Tu payes ?» fis-je en montrant un autre billet. Elle hocha la tête. « Combien ?» Elle me montra le billet de 10 €. « Pour la nuit ?» Elle fit oui de la tête. « Qui te fait payer ?»« Pas dire. » Puis elle ajouta un signe de la main pour signifier qu'on la battrait. Je lui tendis le deuxième billet et lui dis, avec des gestes, « Allez, rentre, la nuit va tomber. Ça suffit pour la soirée. Et ne donne pas tout. » J'attendis qu'elle quitte le carrefour pour aller récupérer mes bagnoles sans me presser, et je repris le chemin de la maison. Je ne dis rien de ma découverte à Gigi. Moins elle en saurait, mieux ça vaudrait. Quand elle me posa la question, je répondis, « Non, toujours rien. Oh, mais ça finira bien par arriver. » Dans le garage, je vérifiais le fonctionnement du Glock, en fis jouer tous les mécanismes. J'allais même jusqu'à nettoyer le canon et mis un peu d'huile fluide. Puis je remplaçai le tout dans une cache secrète de ma BMW. Mentalement, je priais pour que les munitions ne foirent pas. En fin de soirée, j'appris que Louisa et Bart avaient été mis en examen. De ce côté-là aussi, les choses commençaient à se préciser. Mais c'était un exercice de style qui ne mènerait pas bien loin, j'en étais persuadé. Je tentais de me concentrer sur un film avec Clint Eastwood, inspecteur Harry. Ça défouraillait à tout va, à se demander comment il faisait pour ne pas toucher plus de passants, à croire que tous les Amerlocs avaient évité les balles. Le lendemain, dès 7 heures, j'étais déjà en planque derrière ma remorque citerne, les jumelles collées sur les yeux. Vers 8 heures, la portière de l'estafette coulissa, et les minots s'en échappèrent comme des oiseaux d'une volière. Quelques instants plus tard, la Safran arriva avec 2 mecs à bord. Je reconnus le conducteur de la veille. Le passager entra dans l'estafette, ferma la porte, et quelques instants plus tard, le véhicule prit un léger ballon qui ne laissa aucun doute sur l'activité des occupants. L'homme sortit, et un moment après, la femme qui remettait ses cheveux en ordre. Était-il possible qu'elle payât son loyer en espèces et en nature? Ah, les fumiers! Le conducteur de la Safrane arriva ensuite, et comme la veille, recommença à secouer la femme en lui criant au visage. J'imaginais que, puisqu'elle avait dû lui lâcher les 10 euros, il devait exiger maintenant le double pour la nuit prochaine, du genre « Tu vois, quand tu veux, tu trouves ». Leur politesse rendue à l'occupant de l'estafette, les deux mâles dominants sortirent du camp dans la Safrane. Je décidai de les suivre de loin pour voir un peu quelles étaient leurs activités. Ils arrêtèrent d'abord leur bagnole dans un carrefour. Un mec déguenillé vint leur parler à la portière. Il mit la main à la poche, et le passager lui refila une petite laisse de macadam ou autre canardette au SDF du même genre. Puis la Safrane démarra. Parvenu à mon tour au carrefour, je refilai une pièce d'1 euro pour avoir un exemplaire. Il datait de 6 mois avant. Je repris ma filature. Un peu plus loin dans l'agglomération, même manège. Cette fois, c'est une poignée de briquets qui fut vendue, ou confiée, bah savoir. Enfin, encore un autre feu rouge, ce sont 2 femmes sandwich. J'ai 3 enfants, etc. Qui vinrent parlementer à la portière et qui donnèrent quelque chose au conducteur. Ils s'arrêtèrent ensuite dans un rade. Une fois les types partis, j'entrai à mon tour dans le bar. Quelle ne fut pas ma surprise de retrouver derrière le comptoir Tchétagui, un ancien armurier, qui avait jadis pignon rue de Rome, mais qui était finalement tombé pour recel. Comme il avait toujours été sympa et réglo avec moi, j'avais réussi à démontrer que c'était à l'insu de son plein gré qu'il avait détenu certaines armes. Il avait écopé de 2 ans ferme avec interdiction de reprendre son commerce. Ça lui fit vraiment plaisir de me voir. Comme moi, il avait vieilli, mais avait toujours dans l'œil le même éclat de malice et de rouerie. Tchétagui, pourquoi tu m'as pas dit que tu avais un troquet ici? Et comment je sais où tu crèches, Fadoli? Nous nous racontâmes rapidement les épisodes manqués de nos vies respectives. Puis j'orientai la conversation sur les 2 balèzes qui venaient de sortir en craignant le pire. Qui c'est ces mecs, tu les connais? C'est de la racaille de chez racaille. Plus pourri, tu peux pas trouver. Ce ne sont pas des flics au moins. Non, manquerait plus que ça. Chez vous, il y en a des pourris, mais ils ont quand même plus de classe. Ceux-là, c'est des rapuants, tu vois ce que je veux dire. Ils exploitent la misère des mecs de l'Est. Déjà qu'ils se sont fait plumer par des gonzes de là-bas pour arriver jusque chez nous, ici, il y en a qui leur donnent la rince. Le coup de grâce, quelle raclure! Je pensais justement qu'il était temps de tirer la chasse sur eux. Je brûlais de raconter à Tchétagui l'agression de Tonton, mais je me ravisais. Il valait mieux que je reste un travailleur de l'ombre. Il t'intéresse, ces types, Gino? Oh, pas vraiment. Il m'a semblé qu'il raquettait des bohémiennes au feu rouge. Tu m'étonnes, tiens. Tchétagui me payait un dernier pastaga, et je rentrai à la casa pour midi.